5. Les mariages de Nicolas. Les mariages de Nicolas sont les côtés tristes de sa vie. C'est le revers obscur de cette médaille éclatante, où rayonnait tant de beauté au profil gracieux. L'hymen devait faire expier durement à Nicolas les faveurs si multipliées de l'amour, et d'après son système d'une providence qui faisait succéder toujours l'expiation à la faute commise, il n'avait nulle raison de se plaindre des douleurs morales, qui l'accablèrent jusqu'au dernier jour de sa vie. Il trouva, du reste, quelques adoucissements à ces mots dans cette pensée que l'enfer existait déjà pour lui sur la terre, et que la mort le renverrait pur et suffisamment éprouvé dans le sein de l'âme universelle. Cette doctrine, longuement développée dans sa morale, a l'inconvénient de n'empêcher personne de se livrer au mal, en bravant dans une heure d'énivrement les conséquences fatales qui ne doivent se manifester que plus tard. N'est-ce pas là une singulière application de cet épicurisme superstitieux que Cyrano, l'un des élèves de Gassendi, prêtait à ces gens, menacés du tonnerre? « Il ne tombe jamais en hiver sur la terre. J'ai pour 6 mois encore à me rire des cieux. Ensuite je ferai ma paix avec les dieux. » Le premier mariage de Nicolas eut lieu à l'époque de son premier séjour à Paris, dans des circonstances singulières. Il se promenait au jardin des plantes, relevant depuis peu d'une maladie que lui avait causé le triste dénouement de son aventure avec Zéphyr. Deux dames anglaises vinrent s'asseoir sur un banc où il se reposait. L'une d'elles s'appelait Macbeth. C'était la tante de l'autre, nommée Henriette Kircher, une ravissante figure encadrée d'admirables grappes de cheveux dorés, s'échappant de dessous un large chapeau à la Pamela. La conversation s'engage. La tante parle d'un procès qui intéresse toute la fortune de la jeune personne et qu'elles vont perdre, attendu leur qualité d'étrangère. Un seul moyen se présente pour éviter ce malheur. Il faudrait qu'Henriette Kircher épousât un Français, et cela dans les 24 heures, car le procès se juge le surlendemain. Mais comment trouver en si peu de temps un parti convenable? Nicolas, l'homme des impressions et des résolutions subites, se déclare amoureux fou de la jeune Miss. Celle-ci le trouve à son gré, et le lendemain même, devant 4 témoins, domestiques de l'ambassade anglaise, le mariage se célèbre tour à tour à la paroisse de Nicolas et à la chapelle anglicane. Le procès fut gagné. De ce moment, Nicolas vécut avec sa nouvelle famille, épris de plus en plus des charmes de l'anglaise qui paraissait l'adorer. Un lord, nommé Taff, était l'unique visiteur reçu dans la maison. Il avait de longs entretiens avec la tante et paraissait contrarier des marques d'affection que se donnaient les époux. Un matin, Nicolas se réveille. Il s'étonne de ne plus trouver sa femme auprès de lui. Il l'appelle, il se lève. L'appartement est en désordre. Les armoires sont ouvertes, tout est vide. Ses habits même ont disparu. Voici la lettre qu'il trouve sur une table. « Cher époux, on m'enlève à ta tendresse. On me livre à ce lord que tu as vu. Mais sois sûr que si je puis m'échapper, je reviendrai dans tes bras. » Signé ta tendre épouse Henriette. Il serait difficile de peindre la honte et le désespoir de Nicolas. On lui avait enlevé une forte somme qu'il avait en dépôt. Sa seule consolation fut de voir déclarer plus tard la nullité de son mariage, attendu que, comme catholique, il n'avait pu épouser légalement une protestante. Sa vengeance fut d'écrire avec les éléments de cette aventure une comédie intitulée « La prévention nationale ». Nous avons vu qu'il ne fut pas moins dupe dans son mariage avec Agnès Le Bègue. Malheureusement, il le fut plus longtemps. Bien qu'il n'eût pas conservé d'illusions sur le caractère et la conduite de sa femme, il vécut quelque temps avec elle en assez bon accord, lui passant philosophiquement quelques faiblesses, dont il se vengeait en courtisant les amis d'Agnès Le Bègue ou les épouses de ses galants. Le cynisme de ses aveux indique une dépravation morale toute systématique. Un épisode extraordinaire des premières années de son mariage pourrait bien avoir inspiré à Goethe l'idée de son roman des affinités électives, dans lequel on trouve établi une sorte de chassé-croisé d'affection entre deux ménages mal assortis, qui, s'isolant du monde, conviennent de réparer l'erreur de leur situation légale. Il est curieux dans tous les cas de voir le poète du panthéisme se rencontrer dans cet immense paradoxe avec un écrivain auquel il n'a manqué que le génie pour élucider des inspirations où se trouvent tous les éléments de la doctrine hégélienne. Pour clore tout ce qui se rapporte à la vie amoureuse de Nicolas, il est bon de parler de son dernier mariage, accompli à 60 ans. C'est par là que se termine cette longue série de pièces en 3 et en 5 actes qu'il a intitulée « Le drame de la vie ». Nicolas, fatigué des scènes révolutionnaires qui se sont déroulées à Paris sous ses yeux, par un beau jour de l'automne de 1794, retourne à Courgis, ce village où il a passé ses premières années, où il a appris le latin chez son frère le curé, où il a servi la messe, où il a aimé Jeannette Rousseau. L'église est vide et dévastée, mais ce n'est pas là ce qui le frappe. Peu sympathique aux idées républicaines, il aura pourtant emprunté la haine du principe chrétien, ou plutôt il l'a toujours eue. Il se promène en rêvant amèrement aux jours perdus de son printemps. Il pense à Jeannette Rousseau, la seule des femmes qu'il a aimée, à laquelle il n'a jamais osé dire un mot. C'était là le bonheur, peut-être. Épouser Jeannette, passer sa vie à Courgis, en brave laboureur, n'avoir point eu d'aventure, et n'avoir pas fait de roman. Telle pouvait être ma vie, telle avait été celle de mon père. Mais qu'a pu devenir Jeannette Rousseau? Qu'a-t-elle épousé? Est-elle vivante encore? Il s'informe dans le village. Elle existe. Elle est toujours restée fille. Sa vie s'est déroulée d'abord dans le travail des champs, puis à faire l'éducation des jeunes filles dans les châteaux voisins. Heureuse ainsi, elle a refusé plusieurs mariages. Nicolas se dirige vers la maison du notaire. Une vieille fille à la porte, c'est Jeannette. C'est bien cette figure de Minerve, à l'œil noir, souriant à travers les rides. Sa taille, quoique légèrement courbée, a conservé la finesse et l'élégance flexible qu'on admirait jadis. Quant à lui-même, il a toujours l'expression tendre du regard, se jouant au-dessus des pommettes saillantes de ses joues, sa bouche gracieusement découpée, fraîche encore, empreinte de sensualisme, comme l'avait indiqué Lavater d'après son portrait de 1788, et ce nez busqué des restifs qui l'avait fait à Paris surnommer le hibou. Au-delà de ses sourcils bruns, épais et arqués, se dessine un front osseux, vaste, mais rejeté en arrière, qui agrandit la perte des cheveux supérieurs. Ce n'est plus le charmant petit homme d'autrefois, comme disaient ses amoureuses. Mais le temps a respecté en apparence au moins 10 ans de sa vie. « Me reconnaissez-vous, dit-il, mademoiselle, à 60 ans ?»« Monsieur, dit Jeannette, je vous nommerai bien, mais mes yeux ne vous auraient pas reconnu, car vous étiez enfant lorsque j'avais 19 ans. J'en ai aujourd'hui 63. Je suis ce petit Nicolas Restif, l'enfant de cœur du curé de Courgis. » Et les deux vieilles gens s'embrassèrent en versant des larmes. Ce fut une effusion pleine de charme et de tristesse. Nicolas racontait avec une mémoire soudainement ravivée son amour trop discret, ses pleurs d'enfant, et ce souvenir immortel qui le suivait au milieu de ses plus grands égarements. Image virginale et pure, impuissante hélas, à le préserver, fuyant toujours, comme Eurydice que le destin arrache au bras du poète parjure. Il songeait avec amertume que le sort l'avait justement puni d'avoir oublié son premier amour pour une passion adultère, pour cette vertueuse et charmante Madame Parangon, dont le mari s'était vengé en lui faisant épouser Agnès Lebègue, qui pendant 40 ans l'avait abreuvé de chagrin. La réciprocité, cette doctrine fatale, sortie du cerveau du sophiste, lui avait été appliquée bien durement, et cet homme qui n'avait cru qu'au vieux destin des Grecs se voyait obligé de confesser la Providence. « Oh, n'importe, il est temps encore, reprit-il. Je suis libre aujourd'hui, je sais que vous l'êtes resté. Vous étiez l'épouse que la nature me destinait. Quoique tard, voulez-vous la devenir ?» Jeannette avait lu, dans un château où elle était gouvernante, plusieurs des écrits de Restif. Elle savait qu'il avait toujours pensé à elle. Ces pages éperdues d'admiration et de regrets, qui se retrouvent en effet dans tous les livres de l'écrivain, elle les avait amèrement méditées. « Je crois, dit-elle enfin, que vous étiez en effet le seul époux que le ciel m'eût destiné. Aussi je n'en ai pas voulu d'autre, puisque nous ne pouvons plus nous marier pour être heureux, épousons-nous pour mourir ensemble. » Si l'on en croit l'auteur lui-même, qui a répété dans 3 ouvrages différents la scène que nous venons de décrire, le mariage se serait accompli devant un curé et en secret, à cause de l'époque, ce qui indiquerait ou une exigence de sa dernière épouse ou un retour tardif aux idées chrétiennes.